dancer on the beat. Moi j'avais les trucs que pour faire des dégâts. Sale fils de pute, si ça parle pas d'argent tu dégages. Je prends tous les risques, après je vous régale. Pétasse, ramène-moi une bière et continue le ménage. Le négro à son âge est propriétaire, c'est énura, je sois encore pour les terres. Quand t'as rien acquis, bah t'as rien à perdre. Je suis dans la paix, ces bâtards sont en guerre. Tabaski, négro en chinite, plein d'entre eux finiront comme cynique. Dis ça, dirai, mais dans pas ils finissent. Parle mal si tu veux que le trait se punisse. Le négro est libre, tous les jours sont fériés. Pas besoin de faire de voir de mal. Le négro est vif, ta soeur elle va crier. Sur ma casier, non sur la nade. C'est pour tous les fils, de pute qui défier. Moi j'appelle qui vient que je baisse. C'est pour tous les loups, pour tous ces guerriers qui font tous les jusqu'en crever. On fait tard le soir ce que tu fais la journée. Pas le choix, obligé de prouver. On est sur Mars, c'est pour faire la diff. Tout ça c'est le bis, c'est pour faire le bis. On fait tard le soir ce que tu fais la journée. Pas le choix, obligé de prouver. On est sur Mars, c'est pour faire la diff. Tout ça c'est le bis, c'est pour faire le bis. On fait tard le soir, ce que tu fais la journée. Me dérange pas, je suis en pleine tournée. Attention à toi, on est bien entouré. Je suis dans la ville, je fais du bénéfice. On est des grands artistes, rien ne peut faire reculer notre carrière. Quand je sors de la piste, je dois faire des sous de toutes les manières. Mon négro j'investis, par l'euro si tu veux mon estime. Charlotte à Juliette de RFI, on va tout baiser, se casser en croisière. Tout baiser, se casser en croisière, leur cacher le prix de mes pare-brises. Bébé tu veux un chef, j'ai pas le temps de subir tous tes caprices. Je suis devant son et derrière, sont pas capables de me suivre et sa matrice. Que le monde entier s'apprête, je porte l'Afrique négro j'arrive. On fait tard le soir, ce que tu fais la journée. Pas le choix, obligé de prouver. On est sur Mars, c'est pour faire la diff. Tout ça c'est le bis, c'est pour faire le bis. On fait tard le soir, ce que tu fais la journée. Pas le choix, obligé de prouver. On est sur Mars, c'est pour faire la diff. Tout ça c'est le bis, c'est pour faire le bis. Yeah, yeah, yeah. Que du sale pour nous voir, négro faudrait que d'un maille. Yeah, yeah, yeah. Que du sale, toujours bien entouré, poche remplie de billets. Yeah, yeah.